Ce soir, c'est avec un Oldies But Goldies que Pop and Rock ouvre ses portes. La bande à Morrissey et à Johnny Marr, en 85, écrivait et composait Barbarism Begins at Home, qu'on vient d'écouter. Un morceau aujourd'hui qui me paraît très adapté pour Pop and Rock. D'ailleurs, pour la petite histoire, si les Smiths sont splittés depuis belle lurette, Morrissey et surtout Johnny Marr poursuivent leur tournée de concerts et de festivals pour vous faire revivre ces titres devenus mythiques, mélangés à leur dernière création. Pour ma part, j'ai vu deux fois le Johnny Marr et franchement, il illumine toujours de son aura et de ses guitares mon univers musical. Bon, mais une fois cela dit, avec qui on enchaîne pour la troisième fois consécutive en trois semaines, c'est Parquet Courts qui arrive pour un nouvel extrait de leur dernier album. Au départ, j'avais prévu de vous faire écouter Just Shadow, mais finalement, c'est Sympathy for Life qui arrive. Parquet Courts, plus calme que jamais avec Sympathy for Life. Après Sympathy for Life, extrait du dernier album de Parquet Courts, il est l'heure de notre première nouveauté du soir et c'est le trio anglais de London Grammar qui s'y colle, groupe créé en 2009 avec des influences très Cocteau Twins et nous allons découvrir donc le titre éponyme de l'album pour commencer, Californian Soil. On écoute donc London Grammar. Yeah. Radio Val-de-Rhin, et promis, c'est pas un nouvel album de Cocteau Twins et d'Elizabeth Fraser qu'on écoute, c'est bien London Grammar. here for free. Are we talking now, baby? Talking to you, talk to me. Si vous avez aimé ces deux titres issus du troisième album de London Grammar, foncez, vous aimerez certainement tout l'album, Californian Soil. Mais à présent, c'est un chouchou de pop and rock qui arrive, chanteur des Black Keys, Alex Mas. C'est aussi se retrouver seul pour nous offrir de belles perles comme Keep Your Balance, dans Pop and Rock, on adore. We'll be right back. En octobre, j'avais découvert avec vous The Underground Youth, groupe qui avait su se réinventer pour la sortie de leur 9e album The Falling, titre de l'album comme du titre que je vais vous servir ce soir. A noter, ils viennent de sortir un single avec une dénommée Laura Carbone, Crying, soyons francs, c'est pas là qu'ils sont au mieux. Alors comme promis, on se fait The Falling, tiré de leur dernier album sorti il y a quelques semaines, The Underground Youth. This poison every day, well, it gives me wings but takes the sky away. I know desire like the back of my hand, still I smother love with a palm that holds my wedding band. In this loving embrace of this vicious liquid I long to taste. If I could convince only myself, I'm the poet, I think the failed writer, farewell, irresembling now. Alors là, j'aurais pu vous envoyer un Dandy Rolls ou encore un Brian Johnston Massacre pour faire dans la même fibre musicale. Oui, mais voilà, c'est bien de ne pas toujours être là où il y a de la place. Alors avant de découvrir notre seconde nouveauté du soir, on va se manger un deuxième Oldies But Goldies. Twilight ou quand Dublin se rappelle à notre bon souvenir. Si jamais vous n'avez pas reconnu le groupe qu'on vient d'écouter, honte sur vous et rendez-vous sur la page Facebook de Pop'n Rock, les petits enfants du rock. Vous y retrouverez les playlists de toutes nos émissions. Mais en attendant, voici notre seconde nouveauté du soir, The Orioles, avec leur nouvel album qui vient compléter, voire reprendre leur album précédent. We'll be right back. Seconde nouveauté du soir, on reste en Grande-Bretagne car après London Grammar, trio de Nottingham que nous avons écouté en ce début de Pop and Rock, c'est le groupe de Halifax, The Orioles, qui nous offre son nouvel album La Vita Holistica. Et après Rapid Eye que nous venons d'écouter, c'est le titre Memories of Miso qui va finir de vous convaincre qu'il faut écouter ou pas le reste de l'album. We'll be right back. devient dans Pop and Rock sur la très locale Radio Valdura et on découvre The Orioles. Comme pour London Grammar, si vous avez aimé les deux titres du soir de The Orioles, vous aimerez toute la pop psychédélique de la Vita Holistica des frangines Esme et Sidonie au cœur de The Orioles. Sinon, on retrouve les filles de Sleater-Kinney avec Shadowton. Run to me. lundis entre 17h et 18h, vous êtes bien dans Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better down here. I don't mean a big reduction in the price of beer, but all the people that you made in your image, see them starving on their feet, 'cause they don't get enough to eat from C'est promis, ça nous vient des années 80, mais ça sonne tellement bien que 40 ans plus tard, ça reste encore un des plus beaux morceaux pop-rock. Mais trêve de nostalgie, fonçons vers Dinosaur Junior dans le Iron Away qui vient de sortir, sonne lui plus comme un titre des années 90. I'm never sure who's sad to take. Never sure when I'm awake. There's a difference, make it three. If I could change, I would agree. There's a section out of reach. Little things I'd like to keep. Rattles in your head aside. I'd expect another time. I ran away. I gave it up today. Stop there, man, I face. I swear. sort this out instead. I can't hold on just to meet you. Push out all the rest. I ran away. You had enough to say. You fell away without a peep. Yet I expect. Don't need to be that red. It's not to say. Took a picture to show me where you're going. Tides avec Let It Go. Pareil que pour Dinosaur Junior, leur Let It Go vient de sortir, mais on dirait un titre des années 80, voire 70. Nostalgie, nostalgie. Allez, j'espère que cette heure pop and rock'n'roll vous a plu. Alors, on va essayer de bien la terminer avec les Smashing Pumpkins. C'est sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous.